collapsologue et effondrement de civilisation, j'ai décidé de produire l'enregistrement présent suite à l'écoute d'un autre enregistrement que vous pouvez retrouver sur YouTube qui parle des collapsologues. Donc, c'est un documentaire récent, très bien fait. Et vous allez retrouver le lien s'y rapportant en bas de l'enregistrement présent, là, naturellement, pour les gens d'entre vous qui ont envie de l'écouter. Il parle d'une tendance qui est présente en société, c'est-à-dire que des gens qui sont des collapsologues, un néologiste pour désigner, quand je regarde la petite description, là, se rapportant au documentaire qui proviendrait du latin, qui veut dire « collapsus », qui signifie « effondrement ». Donc, les partisans de la théorie que notre civilisation s'en vient à un point d'effondrement, de fin, eh bien, vont adopter certains comportements en relation avec ça. Et c'est sûr que ça s'appuie sur une forme de doctrine, une forme de croyance, à l'effet que bientôt, notre civilisation présente va être détruite. Par rapport à différents facteurs, donc il y a notamment les problèmes environnementaux qui représentent une menace associée à la pollution grandissante, le manque de ressources pétrolières, donc si le pétrole n'est plus bon marché, eh bien, éventuellement, ça pourra occasionner des crises sociales. Ensuite, il y a les changements climatiques. Il y a aussi l'augmentation de la population mondiale. Donc, si la population sur la Terre continue de croître, alors que les ressources qui sont disponibles aux habitants de la Terre n'augmentent pas en proportion, tôt ou tard, il y aura un point de bascule, un point de déséquilibre. Et aussi, il peut y avoir la combinaison de plusieurs variables qui occasionnent un effet domino pour plonger l'humanité présente dans une énorme crise financière et sociale et humanitaire dont, dans son état présent, elle ne pourrait se relever. Donc, c'est sûr que si on met en relation ensemble la menace environnementale associée au changement climatique, c'est sûr que si, par exemple, le climat se modifie, puis il y a de plus en plus de sécheresse, de problèmes avec des récoltes, puis la population simultanément continue d'augmenter, ce qui risque d'arriver, c'est qu'il risque de manquer de nourriture. Puis là, s'il y a des gens qui manquent de nourriture, ben ça se peut que ces gens-là deviennent agressifs, violents, qu'il y ait du pillage, puis qu'il y ait éventuellement des formes de guerre civile qui arrivent. Puis simultanément, ben il y a le manque de ressources pétrolières qui se produit. Ben c'est sûr que à ce moment-là, si les gens ont moins accès à de la nourriture, puis ils sont en plus grand nombre, puis ils n'ont pas accès à du pétrole pour se déplacer, ben, ça crée d'autres problèmes, une crise énergétique. Bref, c'est une théorie qui est avancée, qui va amener des gens à craindre le pire. Bon, il y en a qui vont dire que la fin de la civilisation présente est prévue pour l'an 2030. Puis là, quand j'écoutais le documentaire, ça me faisait penser à la même trame qui a animé certains individus, excusez-moi, à l'orée du 21 décembre 2012. Donc, il y a des gens qui s'imaginaient que ça allait être la fin. Puis là, il y a des survivalistes qui, à ce moment-là, se préparant au pire, ont développé des techniques pour, par exemple, faire de la survie en nature. Ensuite, leur propre récolte était autosuffisante sur le plan alimentaire et ainsi de suite. Puis là, ce qui est intéressant, c'est qu'en regardant ça, je regardais qu'est-ce que ça me disait intérieurement. Parce que le but, quand j'écoute des documentaires sur Internet, entre autres, c'est de regarder au niveau de l'esprit qu'est-ce que ça me dit par rapport à ça. Parce que là, ce que je voyais, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui vibraient de la peur par rapport à un avenir sombre et en relation se préparer au pire. Mais si une personne agit en fonction de la peur, c'est parce qu'il agit en fonction d'une vibration qui est réactive et non pas créative. Donc, autrement dit, si la personne agit en fonction d'une crainte, puis elle se prépare au pire, elle ne suit pas la vibration de l'esprit, puis à ce moment-là, elle est astralisée. Tandis que si la personne a un élan intérieur, que ça ait dit, par exemple, de s'intéresser à la permaculture, puis d'être autonome sur le plan alimentaire, ben là, c'est une inclinaison intérieure. Mais si c'est une inclinaison intérieure réelle de la personne de faire ça, elle ne fera pas ça en relation avec une adhésion à la croyance en la théorie de l'effondrement global de la civilisation. D'ailleurs, l'effondrement global de la civilisation, c'est une théorie présentement. Puis après tout, comme c'était présenté dans le reportage, il y a eu déjà des fins de civilisation qui ont été annoncées dans le passé, puis ça ne s'est pas produit. Tu sais, il y a des gens qui, dans le passé, avaient annoncé qu'il allait avoir un manque de pétrole abondant. Je pense que c'était en 2008 ou 2009, puis finalement, c'est pas arrivé. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, on est en 2019, c'est quasiment 10 ans après, puis le pétrole est encore à bon marché. Si je prends la situation au Québec, on va à la pompe, puis les prix du pétrole sont sensiblement les mêmes. Bon, ça a augmenté un peu au fil des ans avec l'inflation, mais il n'y a pas eu d'explosion du prix. Le prix n'a pas doublé, il n'a pas triplé, il n'a pas augmenté d'une manière exagérée. Bien qu'on peut toujours critiquer les augmentations du coût du pétrole lorsqu'elle arrive, bien entendu, mais il n'y a pas eu de crise majeure à ce niveau-là. Puis, ce qui arrive aussi, c'est que les gens, quand ils réfléchissent à l'avenir de l'humanité avec l'intellect, bien, ils font des calculs. Donc, quelqu'un, un scientifique, peut anticiper qu'avec l'exploitation du pétrole par rapport à des puits, il y a une certaine quantité, mais si le scientifique ne tient pas compte, par exemple, l'exploitation des gaz de schiste, puis plus, en fait, pas des gaz, mais du pétrole de schiste aux États-Unis, qui a eu cours au fil des dernières années, qui ne tient pas compte de ça dans l'équation, bien, à ce moment-là, ses calculs sont erronés, parce qu'il ne tient pas compte d'une source d'approvisionnement du pétrole autre que celle par rapport à des gisements de pétrole qui sont pas en relation avec le schiste. Donc, il y a différentes variables. Fait que si quelqu'un essaie de prédire l'avenir avec l'intellect, c'est peine perdue. Puis aussi d'adhérer à une forme par rapport à l'avenir, si la personne, intérieurement, ça dit qu'on ne se tape pas la tête avec ça, c'est pas les êtres humains qui, en réfléchissant, vont savoir qu'est-ce qui va arriver dans l'avenir. Il faut que la personne suive sa vibration. Donc, moi, si ça me dit intérieurement que j'ai pas à aller en nature puis apprendre à me débrouiller en nature, ben je ferai pas des efforts dans ce sens-là. Si je crois que la fin du monde est imminente puis il reste peut-être 10 ans ou 20 ans avant que notre civilisation présente s'effondre, puis en fonction de cette croyance-là, j'ai de la peur, puis la peur me mobilise pour passer à l'action, pour, par exemple, me joindre à un groupe sur Internet qui pratique le survivalisme, ben, à ce moment-là, la motivation derrière mon action est astrale. Je suis astralisé par la peur. Je suis fasciné par l'état de peur qui m'amène à avoir cette action-là. Donc, cette action-là n'est pas ajustée avec mon esprit, puis elle devient retardataire par rapport à ma vie parce que pendant que je suis occupé à faire ça, je ne fais pas autre chose. Donc, à ce moment-là, ce n'est pas intelligent. Puis en écoutant ce documentaire-là, tu sais, je regardais les gens, parce qu'il y avait des gens à peu près dans mon âge. Moi, je suis rendu à 38. Donc, si je vois des gens en quarantaine, c'est sûr que ça me parle. Puis là, je voyais les gens, les gens de mon âge. Tu sais, je regardais ça dans le documentaire, je ne les trouvais pas nécessairement heureux. Je ne les sentais pas nécessairement dans une vibration qui nourrissait. Fait que je sais pas. Ben, en fait, c'est du cas par cas. J'ai pas à juger pour autrui, là. En réalité, si les gens ont vibration de faire ça, qu'ils le fassent en fonction de la vibration présente et non pas en fonction de peur anticipée dans le futur. Parce que si on fait en fonction d'une prévoyance, entre guillemets, par rapport à des peurs futures, puis ça ne s'actualise pas, ben la personne en paie le gros prix. T'sais, si quelqu'un, par exemple, s'entraîne pour chasser en nature, puis finalement la civilisation ne s'écroule pas, puis en réalité, elle n'aime pas ça, puis elle n'est pas mise en vibration réellement pour faire ça, ben elle aura, à quelque part, perdu son temps alors qu'elle aurait pu faire autre chose. Donc, c'est de suivre qu'est-ce qu'on est, puis son inclinaison fondamentale. Que moi, j'écoute ça, mon inclinaison fondamentale, c'est, puis ce que ça me dit intérieurement, c'est, occupe-toi pas de ça, là. Occupe-toi d'être bien dans ta peau, dans le moment présent. Gère comme faut ta vie. Gère comme faut dans les ci-maintenant tes finances, ton relationnel avec les gens, le ménage de ton logement. Puis tu en as fait assez, là. Donc, j'ai pas d'inclinaison pour aller faire de l'agriculture. D'ailleurs, j'ai jamais eu, là. Dans ce que mon frère aime ça. Mais tu sais, lui, il fait de l'agriculture parce qu'il aime ça, pas parce qu'il veut être autonome sur le plan alimentaire au cas où il y a une apocalypse dans les prochaines années. Donc, ce qui est important, c'est de fonctionner de ce que je capte de mon esprit présentement, en fonction du réel, de ce qu'on porte en soi, pour faire les choses pour l'immédiateté, et non pas par rapport à l'avenir. Puis si on suit la vibration dans l'immédiat, on va pouvoir préparer l'avenir adéquatement en fonction du plan de l'esprit plutôt que de la peur que l'ego peut avoir en réaction par rapport à l'avenir et des documentaires chocs qui sont présentés. Puis il y a une différence à travers ça. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple. Quand j'étais jeune, j'avais comme inclinaison de suivre des cours de musique. Puis moi, je m'intéressais à la musique. Puis j'ai suivi les cours de musique. Puis ça m'a aidé à me développer. J'ai notamment fait des cours de chant. C'est sûr que je ne suis pas devenu un grand chanteur, là. Mais ça m'a aidé à apprendre, à mieux articuler, à mieux parler. Puis j'ai suivi ça. Mais moi, quand je faisais ces cours-là de chant, je ne savais pas par la suite que je ferais des enregistrements sur Internet là, ou ce que je parlerais. Ça ne m'avait pas été dit. Mais au moment que j'ai fait les cours de chant, je les ai faites. J'avais cette inclinaison-là, puis c'était facile pour moi d'aller suivre les cours. Par contre, ça a amélioré ma façon de communiquer, de parler, entre autres, de placer la voix. Mais ça a ses limites aussi, puis je ne suis pas devenu un chanteur. Mais le but de l'exercice, c'était pas que je devienne un chanteur, mais au cas où que... Mais pendant que j'ai fait les cours, je ne le savais pas. Mais ça m'a préparé par la suite à communiquer. Donc, ça a une utilité. Fait que c'est sûr que l'esprit va nous amener dans le moment présent à faire des choses qui peuvent avoir des répercussions sur notre avenir, mais en fonction de son agenda à lui, pas d'agenda astral, puis d'adhésion à une croyance par rapport à un futur apocalyptique. Donc, si la personne, par exemple, a su son inclinaison, puis oui, il va avoir des événements de fin de cycle, puis oui, il peut avoir une rareté de ressources, mais elle fait ça naturellement. Si je pense à mon frère qui, naturellement, sans faire d'effort, il n'a pas écouté ce documentaire-là, mais lui, il va s'occuper, par exemple, des végétaux. Il va aimer s'occuper de plantes. Il va aimer l'agriculture naturellement. Ça ne demande pas d'effort, mais peut-être que son intérêt pour l'agriculture va être utile dans plusieurs années s'il y a une pénurie alimentaire, mais ça, il ne sait pas. Mais s'il y a à faire quelque chose en lien avec ça, il va être préparé dans le moment présent. Tu sais, ça me dit intérieurement de continuer mes cours d'anglais parce que peut-être dans l'avenir, ça va me servir à quelque chose, mais je ne sais pas présentement, mais je vais continuer les cours d'anglais puis ça va se faire facilement parce que c'est dans mon inclinaison naturelle. Mais si je fais des cours d'anglais, au cas où qu'il y a une apocalypse, puis là, il faut que je voyage aux États-Unis où il va arriver des gens des États-Unis ou d'autres pays au Québec, étant des réfugiés climatiques qui ont comme seconde langue l'anglais, puis ça va être l'interface que je vais utiliser pour communiquer avec eux. Ben là, si on peut me présenter ça par rapport à un avenir lointain, puis tout peut bouger dans le temps, puis peut-être que ça ne s'actualisera pas. Mais tout ce, quoi qu'il en soit, que le futur soit ténébreux ou pas, qu'il y ait une fin du temps dans mon existence présente ou non, ce qui importe, c'est que je fasse ce que j'ai à faire dans ma vie par rapport à la vibration que je peux capter dans mon esprit. Voilà l'essentiel de mon propos où je veux en venir. Là. Donc, c'est sûr que si on me pose la question, est-ce que tu es un disciple de la doctrine de la collapsologie, de la théorie de l'effondrement, non. Si on me pose la question, est-ce que j'ai la vibration qu'il va y avoir des changements de civilisation? La réponse, c'est oui, parce que la civilisation ne peut pas rester dans son état présent. Puis le but de l'esprit, c'est d'amener les individus et les collectivités à travers des prises à changer pour devenir transparent en tant qu'ego. Fait que c'est clair qu'il va y avoir des oppositions. Par contre, j'ai pas à croire que l'opposition va être spécifiquement climatique ou spécifiquement associé à de la surpopulation qui va amener une rareté de ressources. Je ne vais pas adhérer à rien, là. Je peux avoir une mesure vibratoire qui va avoir des changements dans la civilisation, mais d'en connaître la nature, les dates, ça, je n'en ai pas de mesure. Puis même si on me dirait des dates, tout bouge tout le temps, fait que ça peut changer. Fait que ça ne m'intéresse pas. Bref, on est en réaction avec un futur épeurant, puis de mettre en action à faire des choses qui ne me correspondent pas vibratoirement, ben, je continue à vivre ma vie en fonction de moi. Donc, si j'ai la vibration de m'entraîner physiquement, je m'entraîne, mais je n'irai pas faire des choses qui ne me concernent pas en relation avec l'adhésion à des croyances associées à des théories du fin du monde. Puis, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une mouvance où des gens qui ont été, par exemple, influencés par 2012 peuvent être influencés par la suite par la théorie d'une fin du monde pour 2030, ben de la fin du monde, fin de civilisation pour 2030, puis ensuite, il peut y avoir une résurgence de ce mouvement-là pour adhérer à des formes futures épeurantes. Puis pendant ce temps-là, ben la personne vibre à la peur. Puis quand la personne vibre à la peur, elle n'est pas neutre dans le mental, donc elle ne peut pas être en contact avec l'esprit simultanément, puis elle ne peut pas émettre vibratoirement. T'sais, quelqu'un ne peut pas, par exemple, émettre une vibration forte et puissante si elle a un état bas vibratoirement parce qu'elle vibre à la peur, puis elle est astralisée. Donc, c'est sûr que, de toute façon, quelqu'un qui vit de l'esprit, non seulement il n'adhère pas à la théorie de la calopsologie, puis de l'effondrement de civilisation, il n'adhère à aucune théorie. Il se laisse soumettre à aucune forme. Il croit à aucune forme. Il vit en fonction de lui. Donc, il est libre de toutes les formes, que ce soit l'adhésion au système marxiste, communiste, au national-socialiste, ou peu importe. La personne est libre de tout ça. La personne vit individuellement dans un fonctionnement autonome. Là, il faut que je fasse attention parce que des fois, je parle vite. Des fois, je capte quelque chose puis je veux le dire. Puis là, c'est la vitesse des mots qui n'est pas nécessairement adéquate pour exprimer avec précision la pensée que je veux manifester à travers ma parole. Mais bref, je vais continuer à vivre ma vie, m'écouter de documentaires, je passe à autre chose, en suivant toujours mon inclinaison fondamentale plutôt que de me laisser influencer par l'environnement. C'est sûr que si j'entre en vibration en écoutant un documentaire sur l'importance du jardinage, puis ça me dit intérieurement qu'il faut que tu jardines, je peux regarder intérieurement pourquoi il faut que je jardine. Puis là, ça me dit, ah, ça va te calmer là, parce que là, tu fais trop d'ordinateur. Je veux dire, ouais, c'est intelligent. Fait que je vais jardiner, mais c'est pas parce que j'ai peur qu'il manque de nourriture dans le futur en relation qu'un effondrement de civilisation, ce qui est différent. Donc, voilà l'essentiel où je voulais en venir. Je vous remercie de votre écoute encore une fois. Je vous dis à bientôt. Au revoir.